1 Chronique, chapitre 4. Fils de Juda, Peretz, Hetzron, Carmi, Ur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jakat. Jakat engendra Akumaï et Laad. Ce sont les familles des Tsoréasiens. Voici les descendants du père d'Étam, Jizréel, Jishma et Jidbash. Le nom de leur sœur était Hatzel-el-Poni. Penuel était père de Guédor et Ézer père de Husha. Ce sont là les fils de Ur, premier-né d'Éphrata, père de Bethléem. Ashur, père de Tekoa, eut deux femmes, Éléa et Nahara. Nahara lui enfanta Akuzam, Épher, Téméni et Akashtari. Ce sont là les fils de Nahara. Fils de Éléa, Tseret, Tsochar et Etnan. Kots engendra Anub et Hatsobeba, et les familles d'Akarchel, fils d'Arum. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Kélub, frère de Shusha, engendra Meshir, qui fut père d'Eshton. Eshton engendra la maison de Rapha, Paséar, et Tekina, père de la ville de Nakash. Ce sont là les hommes de Réka. Fils de Kenaz, Othniel et Seraja. Fils d'Othniel, Hatat. Méonotaï engendra Ophra. Seraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers, car ils étaient ouvriers. Fils de Caleb, fils de Jephuné, Iru, Ela et Naam, et les fils d'Ela et Kenaz. Fils de Jehalelil, Zif, Zipha, Tirja et Azaril. Fils d'Esdras, Jeter, Mered, Épher et Jalon. La femme de Mered enfanta Myriam, Shamaï et Jishbar, père d'Eshtemoa. Sa femme, la juive, enfanta Jéred, père de Guédor, Héber, père de Soko, et Jécutiel, père de Tzanoar. Ceux-là sont les fils de Bidja, fille de Pharaon, que Mered prit pour femme. Fils de la femme d'Odija, sœur de Nakam, le père de Keïla, le Garmien, et Eshtemoa, le Maacassien. Fils de Simon, Amnon, Rina, Ben-Hanan et Tilon. Fils de Jishéi, Zoket et Ben-Zoket. Fils de Shéla, fils de Juda, Er, père de Léka, Laéda, père de Marécha, et les familles de la maison où l'on travaille le Bissus, de la maison d'Ashbéa, et Jokim, et les hommes de Koseba, et Joas et Saraf, qui dominèrent sur Moab, et Jashubi l'Échem. Ces choses sont anciennes. C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs. Ils demeuraient là, près du roi, et travaillaient pour lui. Fils de Siméon, Nemuel, Jamin, Jarib, Zérar, Saül. Fils de Saül, Shalem, Mibzam, son fils, Mishma, son fils. Fils de Mishma, Hamuel, son fils, Zakur, son fils, Shimei, son fils. Shimei eut 16 fils et 6 filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils, et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda. Ils habitaient à Beersheba, à Molada, à Hatsar-Shual, à Bila, à Etsem, à Tolad, à Bethuel, à Horma, à Tsiklag, à Beth-Markabot, à Hatsar-Suzim, à Beth-Birei et à Sharaïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David et leurs villages. Ils avaient encore Étam, Aïn, Rimmon, Token et Ashan, 5 villes, et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leur généalogie. Meshobab, Jamlek, Josha, fils d'Amatsia, Joël, Jéhu, fils de Joshibia, fils de Seraja, fils d'Aziel, Eljoénaï, Jaakoba, Jeshojacha, Azaja, Adiel, Jézimiel, Benaja. Ziza, fils de Shiféi, fils d'Alon, fils de Jedaja, fils de Shimri, fils de Shemaéja. Ceux-là, désignés par leur nom, étaient princes dans leur famille et leurs maisons paternelles prirent un grand accroissement. Ils allèrent du côté de Guédor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux. Ils trouvèrent de gras et bons pâturages et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham. Ces hommes, inscrits par leur nom, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda. Ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux. Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séhir, au nombre de 500 hommes. Ils avaient à leur tête Pélatia, Néharia, Réphaja et Uziel, fils de Jishéi. Ils bâtirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour.